Ich komme schon durch manches Land, avec la marmotte, und immer was zu essen fand, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte.